Les petites histoires de Tell Me. Le grand départ. Je m'appelle Hector, j'ai 10 ans, et depuis presque un an, je vis à la maison avec Tom. Tom, c'est mon demi-frère. Au début, j'étais sûr qu'on n'allait pas s'entendre. Avec ses 2 ans de plus que moi, sa grande mèche devant les yeux et son super look, il ne voudrait certainement pas parler un minus. Mais j'avais tort, et maintenant, c'est mon frère tout entier. On est inséparables. Quand on lit un livre, Tom lit à voix haute et moi, je mime les personnages. À Dragon Raiders, on bat tout le monde. Moi, je suis super fort pour traverser les niveaux et Tom, il bat tous les boss les doigts dans le nez. Et quand on va à l'école, Tom a toujours un nouveau morceau à me faire découvrir. Il y a 2 jours, Tom n'avait pas ses écouteurs. Ça lui ressemblait vraiment pas. Il ne sort jamais sans sa musique. Il a bégayé qu'il les avait oubliés à la maison. Je l'ai cru. Mais le lendemain, il les avait toujours pas. Mais enfin, avant de partir, je t'ai dit de les prendre. Ouais, ben, j'ai la tête ailleurs. Qu'est-ce qu'on va écouter, du coup? Rien. Mais c'est pas un drame, non? Laisse-moi tranquille. Et il a fermé son regard à clé. En fin de journée, pendant que Tom était au basket, j'ai eu envie de jouer à Dragon Raiders. On y joue tous les jours à ce jeu. On se l'a acheté avec notre argent de poche. En plus, la veille, on venait de débloquer le niveau 68. Je suis entré dans sa chambre et j'ai allumé la console. Impossible de lancer le jeu. Le CD n'était pas dedans. Plus étonnant encore, je ne voyais pas la boîte. J'ai tout exploré. Bureau, étagère, placard, tiroir. Et alors que je soulevais le tapis, Tom a débarqué comme une furie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais jouer à Dragon Raider, mais je le trouve pas. Je l'ai prêté. Quoi? Mais c'est notre jeu! Oh, c'est bon, on va le récupérer. Sors de là, maintenant! Mais... Y a pas de mais. Et tu rentres plus dans ma chambre sans demander. Il m'a poussé. La porte a claqué tellement fort que j'ai failli m'envoler. Mais c'était loin d'être le pire. 15 minutes plus tard, Tom avait collé un tas d'affiches pour me décourager de rentrer. Interdit au minus. Un pas dedans, dis adieu à tes dents. J'ai foncé voir les parents. Ça les a fait sourire. On s'est assis. Ils ont pris leur voix de président de la République pour déclarer qu'à 12 ans, c'est normal que Tom veuille être seul pour cultiver son jardin secret. N'importe quoi. Tom déteste les plantes. En retournant dans ma chambre, j'ai croisé Tom. Il avait un regard de boss de fin de niveau. J'espère que le message est clair. C'est même ultra super clair. Il y a un truc qui cloche. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Et certainement pas un jardin. Alors, j'ai attendu qu'il aille prendre sa douche. Et dès que l'eau a commencé à couler, je me suis rué dans la forteresse de Tom. J'ai tout fouillé, en faisant bien attention de tout reposer correctement. Notre BD dédicacée de Dr Violet n'était plus là. La statue à l'effigie de Dragon Raider que j'ai offert à Tom pour son anniversaire non plus. Et puis, sous le matelas, un petit cahier rouge. Ça parlait d'un grand départ. Il y avait même une carte avec un chemin tracé au stabilo. Il y avait des tas d'articles collés. Comment tenir plusieurs jours sans manger? Qu'emporter pour un long voyage? L'eau de la douche s'est arrêtée de couler. J'ai tout rangé en 4e vitesse et je me suis carapaté dans ma chambre. J'ai à peine fermé ma porte que Tom a surgi. Qu'est-ce qui est pas clair quand je dis entrée interdite au minus? Hey, tu pourrais frapper avant d'entrer. Change pas de sujet. T'es venu, je le sais, t'as dérangé mon bureau. Pff, ton bureau? Le truc plein de bazar, là? Arrête ta parano et sors de ma chambre. Cette nuit-là, je ne faisais que penser au carnet. Impossible de fermer l'œil. Le lendemain, en classe, je ne pensais qu'à une chose, ce fichu cahier, et dormir. Après l'école, alors que j'attendais Tom, j'ai vu un grand du collège sortir avec le même blouson que lui. Et quand il est arrivé, mon frère n'avait plus le sien. Impossible que Tom lui ait prêté à ce grand navet tout moche, c'est son blouson préféré. Même à moi, il refuse de le prêter. Tom m'a regardé avec des yeux qui suppliaient de ne pas poser de questions, et tout s'est éclairé. Ton carnet, c'est parce que tu veux partir? Parce qu'on vole tes affaires? J'en étais sûr. T'as fouillé dans ma chambre. C'est eux qu'on volait tes écouteurs. Et notre jeu. Et la BD de Dr Violet. Te mêle pas de ça. Hors de question. T'es mon frère. Et cette courgette moisie n'a pas le droit de te voler tes affaires. Je vais aller le voir. Laisse tomber, Hector. Ils sont 5 avec lui. Alors si tu pars, je pars avec toi. On fait toujours tout ensemble. Pourquoi tu ferais ça? T'es même pas mon frère. Et il s'est mis à courir tellement vite que même Usain Bolt n'aurait pas pu le rattraper. Ça servait à rien que moi, j'essaye. Je l'ai quand même cherché, mais le ciel commençait à devenir bleu foncé. Alors je suis rentré en espérant qu'il soit à la maison. En passant la porte, les parents m'ont assailli de questions. J'ai dû tout leur expliquer en essayant d'arrêter de pleurer car j'allais noyer le salon. Ils se sont demandé où Tom avait bien pu aller. Et là, entre deux reniflements, ça fait tilt. Le château d'eau, bien sûr, c'est notre planque. En arrivant, on a vu une ombre tout en haut du château. C'était Tom. Les parents ont paniqué. Ils ont voulu appeler les pompiers. Je leur ai dit de me laisser essayer. J'ai grimpé à l'échelle et là, assis sur la passerelle, j'ai trouvé mon frère, les yeux rouges, soupirant. Pourquoi t'es là ? Ben, je suis venu te chercher, Banane. Tu pouvais pas me laisser tranquille. En plus, t'es venu avec les parents. Tu crois quoi ? Qu'ils allaient me laisser sortir aussi tard, tout seul ? Ils sont morts d'inquiétude. Allez, viens, on rentre. T'es qu'une balance. Hein. Je rentrerai jamais. Si l'autre brute la prend, je suis cul comme un steak. Mais non ! Les parents ont dit qu'ils allaient trouver une solution. Et moi, je les crois. Ah bon ? Les parents sont plus forts que six grandes saucisses molles, non ? Avec eux, on va les battre encore plus facilement que les boss de Dragon Raiders. C'était une petite histoire de Cécile Rubin, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillot. Vous l'avez aimé ? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. À bientôt !